tu reviennes reprendre ta place auprès de moi. Je ne dors pas quand tu n'es pas là. Je n'en peux plus, je ne fais que penser à tout ce temps passé. C'est notre vie, toute notre vie, c'est tout ce qui nous lie. Viens, je t'en supplie. J'allume une cigarette et j'ai des idées noires.